l'amour n'a pas de couleur, l'arc-en-ciel un truc sûr. Quand l'intolérance cartonne, ça devient le choc des cultures. C'est pas le corps qui décide, c'est le cœur qui t'impose. Presque tout nous oppose, alors nos familles se déchirent. Quand le mépris sonne la charge, la mixité se renforce. Appelle-nous Cupidon, des gens ont besoin de renfort. L'aube part après la nuit, lui parle même plus à l'autre. L'eau se mélange pas à l'huile, prends ta douleur et fuis. T'as pleuré toute la nuit, t'as les joues épuisées. Tes choix passent par la vie, t'as une fierté brisée. Quand l'amour te fouette, tu peux crier d'extase. Improbable comme un colon qui tombe l'oeuf d'une esclave. معاهد ربي غير انتي لي ندي عيت من هجرة عيت من غير وطان هاد الناس يضلوا يفرقون ربي احفظنا من هاد الزمان واللي في خير ربي يجيبون. Quand la tradition roule, ça t'empêche de marcher. La peur de l'inconnu qui appelle en masque. J'suis devenu un insurgé, tout ça m'a fait mal. La vie un tribunal, tout le monde se permet de juger. On s'aime par oppression à cause des mariages forcés. On se quitte en dépression, quitte à déclarer forfait. Partir et tout laisser, c'est devenu si tentant. Les regrets sont muets, je te demande si t'entends. Quand l'amour te fait du tort, tu peux perdre la raison. Comment voir le changement si t'es assis au fond? Même le ciel se mélange, mettez-le dans vos mémoires. J'ai déjà vu une lune blanche épouser une nuit noire. Amour tiri, fini ou binha, ma kachni ne sili fi. وانا بغيتها بغيتني عمرك يا هدرو فيك بيضة صمرا قلبي اختارها علاش فهم جيجي مان حبنا كبير لونو صافي خافوا ربي العنصر يا حرام نبغيك انتي ما لباليش بالناس ربي عالم ديرك في قلبي عرفتك صغيرة وقلبك حساس مع هاد ربي غير انتي لي ندي عيت من هدرة عيت من القيل والقال هاد الناس يضلوا يفرقوا ربي احفظنا من هاد الزمان واللي فيه خير ربي يجيب عمور تيري بيني وبينها وما كاش لي نسيني فيك هي بغتني وانا بغيتها بغيتني عمرك يا هدرو فيك بيضة صمرا قلبي اختارها علاش فهم جيجي معان حبنا كبير لونو صافي خافوا ربي العنصر.